Bonjour, bonjour, Bulle de Rêve, le retour. Ça fait un bout de temps que je n'étais pas venu, qu'on n'avions pas été en direct, donc je suis content de revenir. Vous allez me permettre juste, donc vous avez entendu ce générique un peu particulier qui est tout simplement une série animée japonaise, Détective Conan. Je vais commencer par une note un peu triste et je voudrais juste dédier cette émission à un petit garçon qui est mort cet été d'une longue maladie. Et bah voilà, il s'appelait Christian, je voulais juste lui dédier cette émission et c'était sa série préférée, donc bon, excusez. Voilà, juste pour lui. Nous allons nous parler aujourd'hui de la fête du cinéma d'animation. Géraldine, tu peux t'asseoir. Et nous allons parler avec trois personnes autour de la table. Un peu aussi de cette fête de l'animation va nous permettre de parler, on va dire, de la diffusion du cinéma d'animation, où on en est exactement. Alors normalement, la fête, vous savez, c'est toujours la personne, bah, vous la connaissez, elle a été à ma place pendant des années, qui est Olivier Catrin. Mais Olivier Catrin, vous l'avez entendu il y a quelques temps, ici même, est parti pour monter sa maison de production. Et donc on a la chance, vous allez voir, là, vous allez entendre surtout, la voix est beaucoup plus agréable que celle d'Olivier, d'avoir Juliette Crochu. Bonjour Juliette. Bonjour Alexis. Et donc qui nous fait le plaisir de venir, et c'est la responsable maintenant de la fête. Elle va nous dire un peu tout ce qu'elle fait à l'AFCA, etc. On a aussi Géraldine Kans. Bonjour Géraldine. Bonjour. Qui est donc l'attachée de presse du festival notamment, et qui va, elle, nous dire aussi un petit peu, on va dire, ce que aujourd'hui où en est le cinéma d'animation par rapport à la presse. Et donc on a Alain Quette, j'ai bien prononcé, qui est le responsable. Alors attention, je suis content de l'avoir parce qu'il s'occupe d'une salle de cinéma, direction artistique du Jacques Prévert à Gonesse. Et donc, on va parler aussi un petit peu, donc bonjour, et on va parler un peu avec lui, en effet, de la diffusion et de savoir si aujourd'hui on peut diffuser autre chose que les grosses productions ou ce genre de choses dans les cinémas. Pour nous laisser le temps de respirer, surtout moi, on va juste écouter une petite chanson d'un film qui n'a pas eu besoin de promotion. On écoute, vous allez entendre la chanson de « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?» On écoute. Some other men do. Get out of here. Give me some money too. You're sitting down. Why don't you do right? donc, c'était Amy Irving, Madame Spielberg de l'époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, qui nous chantait Why Don't You Do Right, la chanson principale. Vous savez, quand Jessica Rabbit marche sur le podium, enfin, je ne sais plus quoi, à un moment le donné. Le fantasme vivant. Et elle chante. Tout à fait. La femme la plus sexy, paraît-il. Le cartoon le plus sexy. Donc, Géraldine, ça tombe bien parce que tu avais la parole. Parce que les attachés de presse sont bavards, on va s'en rendre compte rapidement. Mm-hmm. Ça fait un bout de temps que on en est à la 7e fête mondiale du cinéma animation. Mondiale, maintenant, ça sonne bien. Avant de revenir sur l'évolution, comment ça marchait déjà cette fête-là? Est-ce que la presse en parle beaucoup? Est-ce qu'il y a un bien meilleur retour cette année? Ouais. Oui, oui. Ça, le fait d'avoir Michel Oslo comme invité d'honneur de cette édition fait quand même que en France, dans toutes les rédactions régionales, ça, il y a un retour très important avec des vrais papiers, des vraies rencontres sur le terrain. Donc oui, en presse régionale, il y a eu un vrai retour très intéressant. Et même en presse nationale, on peut dire qu'il y a eu en tout cas un effet d'annonce qui était beaucoup plus intéressant que les éditions précédentes. Et donc dû au nom de Michel Oslo, donc uniquement au papa Kirikou, dû au nom de Michel Oslo, puisque de mon point de vue, le boulot a été le même et il y a un retour certain sur le nom de Michel Oslo, oui. Donc là, ça veut dire quoi? Des articles dans les journaux? Est-ce que, je ne sais pas, Libé, Figaro, enfin tous ces journaux-là? Alors non, la presse, ça, les grands la presse comme on dit. Régionale d'accord. A parlé de l'événement. On peut dire à peu près dans toutes les presses régionales, il y a eu un article autour de la fête, que ce soit autour de Michel Oslo ou autour d'autres événements qui ont eu lieu dans différents lieux. Par contre, au niveau de la presse nationale, ça reste de l'annonce. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de papier et on a même eu deux grands absents qui sont encore, j'espère qu'ils vont se réveiller pour la journée mondiale du cinéma d'animation qui est le 28. On n'a pas encore ni Libé ni Le Monde. Ah ouais. Mais on a eu le Figaro, on a eu l'UMA, on a eu des papiers qui annoncent l'événement. Alors c'est vrai que ça reste quelques lignes, mais L'info circule. Dans Libé et Le Monde. Libé et Le Monde, pour le moment, ont oublié d'en parler. Il faudrait qu'ils soient encore plus en crise pour qu'on parle, en effet, de la crise et de la crise du cinéma d'animation, en fait. Faire les deux en même temps, voilà. Ou alors, il aurait fallu que les gens aient investi massivement dans l'animation, c'est ça. Peut-être qu'on en parlera un peu plus. Bon, on essaiera de faire ça pour la prochaine année, alors. Alors, donc, c'est quand même à la fois bien, à la fois inquiétant quand même, ce que tu dis. On va demander à Juliette après son avis, mais déjà toi, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir quand même. C'est-à-dire que l'animation ne fait pas venir, soyons clairs, les journalistes de manière évidente comme ça vers le. Non, l'animation, en fait, ils trouvent ça très bien parce que ça fait partie des événements qui sont publics familiaux, comme France Bleu qui est partenaire, et on les remercie. Utilisent donc la fête parce que pour eux, ça fait venir du grand public. Mais par contre, ça reste un public pour eux enfantin et familial et ça dépasse pas ces frontières-là. Et donc Michel Oslo, pour ça, se prêtait très bien puisque c'était Kirikou, les familles, et puis qu'en plus, c'est le film français qui a le mieux marché en animation, donc tout le monde le connaît. Et d'ailleurs, quand on parle de lui, on dit le papa de Kirikou. Oui, c'est ça, on parle même pas de Michel Oslo, c'est pas forcément comment il s'appelle, c'est le papa de Kirikou. Alors, évidemment, première question, pourtant je suis quelqu'un de gentil, mais première question un peu vache pour Juliette, mais promis, je ne l'ai pas fait exprès, non, c'est juste, est-ce qu'on n'est pas inquiète quand on arrive? On se dit, tiens, je brûle toutes mes cartouches dès le premier, j'ai Michel Oslo, je le mets en plein dans la fête de l'animation, et les années d'après, parce qu'il y a eu Drissen, Florence Millaille, des gens pourtant qui sont d'une grande importance. Aujourd'hui, on doit être à la fois contente, je suppose, d'avoir Michel Oslo et d'avoir tous ses papiers. Bien sûr. Et on n'est pas un peu... on se pose des questions déjà sur l'avenir? Oui, c'est sûr que là, on dit toujours 7 ans, l'âge de raison, c'est la 7e édition, donc on a profité de l'actualité de Michel Oslo pour l'inviter. Il a été déjà invité précédemment, mais c'est vrai qu'il était dans ses projets. Cette année, c'était la bonne année, a priori, puisqu'il sort un DVD, il a sorti un DVD le 22 octobre, donc c'était vraiment l'occasion d'accompagner cette sortie. Il était disponible pour se prêter au jeu du parcours à travers la France et la présentation de ses films. C'est vrai que là, on a invité un grand monsieur de l'animation et on réfléchit pour l'année prochaine, après Michel Oslo, qui va-t-on inviter? Mais voilà, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du cinéma d'animation autant en France qu'à l'étranger, par la qualité de son travail, sa passion. et enfin, sa carrière. Et c'est vrai que voilà, c'était une figure incontournable du cinéma d'animation qu'il fallait inviter. Alors, Géraldine, quand on présente l'animation, quand on présente, bon, tu connais des gens, hein, la presse, etc. Mais comment on présente ça? La première fête, tu te rappelles, la première fête du cinéma d'animation, comment on la présente? On présente ça avec des dates en disant c'est 1892, Émile Cole, Musée Grévin, etc. C'est, comment oui, on fait oui, on est obligé de revenir sur l'historique. Pourquoi cette fête? Pourquoi donc on a décidé de cette date-là? Dans l'absolu, bon, c'était la première projection publique au Musée Grévin d'images animées. Donc voilà, naissance avec du cinéma d'animation. Avec une entrée payante sur grand écran. Oui, c'est donc, ça. C'est important. C'était important. L'idée que c'est l'entrée payante, donc... Oui, d'accord. Ouais. Donc ensuite, ça étant quand même rentré dans la tête des gens, quand maintenant je les appelle, évidemment, ce qui est important de mettre en avant, c'est l'originalité de l'édition qui est en cours, mm-hmm. avec les invités qu'il peut y avoir sur cette édition. C'est vrai qu'on a aussi un déficit de programmation très en amont, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément... planifier et prévoir très en amont qui va être à tel endroit. Ouais. Ce qui est un petit souci aussi pour arriver à décrocher d'autres informations intéressantes qui pourraient intéresser en tout cas des supports et faire des articles plus en profondeur. Quoi. Parce que le programme est arrêté quand? C'est-à-dire que toi, tu l'as pour donner à la presse faut dire la vérité. Bah, on l'a assez tard. Enfin, disons que les inscriptions commencent en mai-juin. Ouais. Et on laisse jusqu'aux programmateurs, jusqu'en septembre en fait, pour nous envoyer leur programmation, parce qu'il faut s'adapter à tous les rythmes des lieux culturels. Il y a des lieux culturels qui programment très en amont et d'autres qui vont programmer un petit peu, pas à la dernière minute, mais quelques semaines avant l'événement. Donc notamment les salles de cinéma, enfin certaines. Et c'est vrai que donc du coup on boucle le programme au mois de septembre. D'accord. Et début septembre. Aussi par rapport au Alors, parcours, le parcours ça, de l'invité, slow, de l'invité principal. Alors l'invité, oui, le parcours de l'invité est bouclé, disons, avant les vacances d'été. Ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. C'est, on finalise, mais on peut pas redemander. C'est-à-dire un cinéma qui voudrait l'avoir et se réveille. Bah, ça demande quand même beaucoup de logistique, donc c'est vrai qu'il faut le préparer en amont. Voilà, mais on reçoit des demandes et après on choisit, on en discute avec les différentes personnes qui ont fait les demandes pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire avec l'invité et on est obligé de faire un choix à un moment. Oui, de choisir les... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Géraldine, je voulais te demander à toi, qu'est-ce que... par rapport à l'invité, qu'est-ce qu'on demande en fait en priorité? C'est quelque chose qui m'a toujours... Les gens de la presse, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme information? Il y a le dossier de presse qui est bien fait, qui raconte, etc. Mais qu'est-ce que les gens de la presse ont envie d'avoir des interviews uniquement du réalisateur? Est-ce qu'ils demandent des interviews de Jean de Lafka? Comment ça se passe? Alors ça serait plus en radio en fait, hein, où il y a des demandes de cet ordre-là. Sinon, les informations, ils les ont dans le dossier de presse, donc ils n'ont pas forcément besoin d'aller les demander à la source. Ouais. Mais là, on voit bien la différence avec Michel Oslo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un de médiatique, évidemment, c'est cette personne-là qui est demandée. Et c'était la première fois? C'est-à-dire Driessen avait été demandé, Florence Millet avait été demandé, vraiment ou... Non, ils ne sont pas sur leur nom. Je n'ai pas réussi à avoir des papiers sur leur nom. Après, des gens ont pu être intéressés par l'événement. Et donc, moi, je leur proposais ces personnes-là. Mais bon, en plus, le problème avec Driessen, c'est qu'il n'était pas sur Paris même. Ouais. Ce qui fait qu'organiser des interviews, c'était absolument impossible de le faire en amont. Donc voilà, il y avait encore cette chose-là qui faisait que quand il a été sur Paris le temps de la fête, hein, il était en plus pas très disponible pour répondre à des interviews et on a pu en faire quelques-unes, mais très peu. Alors, tu disais tout à l'heure que les choses avaient changé. On s'est rendu compte que c'était uniquement par rapport au nom d'Oslo, en tout cas pour la fête. Oui, alors il y a deux choses. Bon, évidemment, l'effet Oslo cette année, il faudrait attendre l'année prochaine pour savoir comment l'animation en elle-même est pressentie. Mais je vois bien que quand le discours de l'AFCA, c'est de dire que l'animation n'est pas seulement pour les enfants et qu'il y a un cinéma à découvrir dans l'animation. Jusqu'à maintenant, c'était absolument impossible pour mes interlocuteurs de comprendre ce que je leur disais. Et maintenant, vraiment, ouais. Pour eux, ça n'existait pas, le cinéma autre. Et maintenant, il y a vraiment un après Satrapi et Valse avec Bachir. Hein. Ouais. Et là, ils ont compris. que d'un coup, le cinéma d'animation pouvait être adressé à des adultes, pouvait avoir un autre discours que des lapins et des petits animaux qui parlent. Non, mais pour eux, ça s'arrêtait à ça. Et je pense que là, on est... Alors après, ces deux réalisateurs, justement, étonnamment, c'est des réalisateurs dont on connaît le nom. Que les autres réalisateurs d'animation, on les associe à leurs personnages. On parle des Indestructibles, par exemple, mais je pense qu'il n'y a personne qui pourrait citer les réalisateurs des Indestructibles. À la limite de studio. J'ai même dans le programme de la fête, Monstres et compagnie, des studios Pixar. C'est-à-dire que maintenant, les studios Pixar sont mis au même niveau que les studios Disney. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, c'est les nouveaux, et c'est les studios Pixar ou studios Ghibli. Bon, Miyazaki et Takahata encore, mais c'est des labels. Ça, ça m'a fait bizarre. En plus, c'est Lille, je crois, je dénonce. Hein. C'est des rencontres du visuel, je crois, Lille, qui sont en plus des gens qui organisent énormément chaque année ou quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez... ils connaissent bien. Et les studios Pixar, je me fais vraiment... Enfin bon. On peut dire que Oslo était un des premiers à avoir... réussi à avoir un nom et dans un petit cercle d'initiés quand même, parce que quand on parle à pour ne citer que France Bleu, puisqu'ils sont partenaires, eux ils connaissent pas. D'accord. Vraiment. Et ils me disent, mais c'est Michel Oslo. Je dis, oui, c'est le papa de Kirikou. Ah oui, le papa de Kirikou, bien sûr. Mais de prime abord, le nom ne leur dit absolument rien. Ouais, c'est mais ça, par c'est contre, Satrapi, ça y est, ça c'est intégré. C'est une réalisatrice, c'est pas une petite animatrice. Oui. N'hésitez pas, hein, si vous voulez parler, je partage. Qui voulait réagir. Ce que je dis en plus, Satrapi vient de la littérature, c'est-à-dire vient de la bande dessinée, qui, elle, a gagné maintenant des galons, je dirais, un petit peu comme ça. Ça fait partie maintenant de la littérature. Or, je pense que ça a joué beaucoup sur la reconnaissance après de son dessin animé, mais tu as raison. Oui, c'est ça. C'est que c'était quelqu'un qui était déjà. Et Valsa avec Bachir est passé par Cannes. Est-ce que l'effet Cannes aujourd'hui a. On va dire pour l'animation est primordial ou pas? Sans doute ça a dû jouer, mais on se souvient tous que Blanche-Neige avait eu les Oscars puisqu'elle en avait même fait 7 petits et ça n'avait pas permis pour autant à donner les lettres de noblesse à l'animation. C'était resté dans le domaine enfantin, donc je pense pas que... Excuse-moi, je te coupe, mais justement, par rapport au long métrage, est-ce que ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à se rendre compte, parce que c'est le grand problème de l'animation, on le sait, on en a souvent parlé, enfin le grand problème. Grand problème, mais disons que c'est avant tout du court métrage, il y a très peu de long métrage. Moi, je peux vous le dire, hein, je suis au CNC, je peux vous dire que pour avoir des aides au niveau du long métrage, même du long métrage animé, c'est déjà difficile. On a encore quelques années de passage sous un tunnel pour l'animation, si jamais on en sort à un moment donné. Donc, est-ce que ça, par exemple, parce que là, tu parles quand même de Persepolis, de Valsa avec Bachir. On parle de films qui sont des longs métrages, qui sont passés dans les festivals, qui sortent ensuite. Enfin, est-ce que les programmes de courts métrages, ça intéresse pas tellement la presse finalement? Non, alors les programmes de courts métrages, c'est comme pour la fiction, comme pour le documentaire, ça existe aussi en courts métrages et ça reste une pratique de cinéphile marginale ou je ne sais pas de qui on parle de la pratique ou des cinéphiles, mais ça reste quelque chose, une démarche de festival, c'est quand même très rare qu'on arrive à faire des programmes qui sont après exploités pour les enfants, oui, avec Princesse ou ça, oui, c'est voilà. Les films du préau, ça c'est des choses qui sont adaptées. Bon, je pense que je l'ai pas vu, mais Peur du Noir, c'était aussi des. Peur du Noir, c'est un faux long métrage. Ils l'ont vendu comme un long métrage qui est en fait des petits bouts de court métrage. C'est une arnaque. Non. Juliette, pourquoi t'as dit ça? Pardon, excusez Juliette, faut pas dire des choses comme ça. Non, je plaisante. C'est pas une arnaque, mais c'est vraiment ils l'ont vraiment vendu comme un long, alors qu'en effet, c'est vraiment des petits bouts de court, quoi. Mais bon. Sur ce que dit Géraldine, il y a aussi un phénomène assez étrange, c'est que ce soit Valse avec Bachir ou le film de Satrapi sont des films politiques. C'est-à-dire des films qui, en même temps, dont le sujet touche, j'allais dire, davantage les adultes. Donc la question, c'est un peu pervers, parce qu'en effet, un long métrage qui a du succès et qui ne toucherait pas par le sujet les adultes, enfin, j'en ai pas en tête, je veux dire, même... je sais pas, sur les... Alors, je parle pas de ce que tu disais sur le Walt Disney, mais aujourd'hui, d'animation, ceux qui ont eu deux grands succès, je mets à part Michel Oslo, ça a été quand même ça, quoi, qui parlait de problèmes... Les triplettes. Mais c'est vrai que ça parle pas vraiment de problèmes... Oui, c'est vrai, il y a les triplettes. Il y a aussi Renaissance, qui était un film d'anticipation animation. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Ghost in the Shell, il y a des choses... Et puis, il y a toute l'animation japonaise qui arrive. La seule chose, c'est que c'est vrai que c'est encore... Non, mais c'est comme, en fait, je pense, la bande dessinée dessiné avec Angoulême à 30 ans, avec ce festival. Mmh. Nous, on est dans l'animation, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer maintenant, un passage un peu à l'âge adulte. Mmh. Et, enfin, on espère en tout cas que ça va se réaliser. Mais, Oui, la seule chose, c'est que le passage à l'âge adulte, la BD, alors c'est dommage parce qu'on a un spécialiste de la BD qui est derrière, avec sa petite fille, voilà, Julien, il est juste derrière, donc on va peut-être pas le faire venir tôt, on verra tout à l'heure. Mais on a un spécialiste, et c'est vrai que la BD est toujours quasiment sous la même forme, on va dire, même si elle peut changer, puis alors des plus grandes, des plus petits, Little Nemo pouvait être dans une grande page, etc. Mais c'était la même forme. Là, le problème de l'animation, c'est quand même qu'on a 80%, 90% est fait en court-métrage, qui ne passe pas, c'est ce que tu viens de dire, qui finalement intéresse assez peu les gens. On verra après au niveau des salles, mais qui intéresse assez peu les gens au niveau de la presse, on va dire, et qu'il y a très peu de pourcentage, et qu'à part les Japonais, qui font... C'est plus que de l'adulte, c'est vraiment aussi l'idée d'avoir d'un seul coup un format qui ne passe pas, quoi. C'est une histoire de format, parce que le court-métrage, on voit bien, avec les courts-métrages qui ont été faits, Paris, je t'aime, à partir du moment où il y a des noms derrière, ça intéresse. Oui, c'est-à-dire que... en fait, c'est un problème qui est inversé, c'est-à-dire que les gens qui font du court-métrage, a priori, ne sont pas connus du grand public, donc ça n'intéresse pas. Après, si c'est que des gens très connus comme Oslo qui va se remettre à faire du court-métrage, ça intéressera. C'est le problème qui est pris à l'envers, en fait. Je pense que le court-métrage peut intéresser si on connaît déjà la personne qui fait le court-métrage. Il faudrait qu'on ait Oslo, Miyazaki, John Lasseter et tous ces gens-là qui font un film sur, je sais pas moi, un thème un peu dur, etc. Parce que c'est vrai que des courts-métrages sur la guerre, les camps, enfin, la misère, etc., il y en a absolument tout le temps. On en voit tout le temps dans les festivals, à Annecy, il y en a un peu partout. Donc c'est vrai que c'est pas l'âge adulte, finalement, l'animation l'a atteint depuis très longtemps. C'est peut-être dans cette... Mais peut-être avec le problème de l'audiovisuel en ce moment et les pubs qui disparaissent, on va revoir un regain pour le court-métrage et que ça va faire revivre quelque chose avec ça. Il faut profiter. Il faut rire, oui. Vous pouvez rire en direct. Il y a même ma petite fille qui a rigolé derrière. Ouais, qui s'est dit qu'elle rigolait. Ouais. T'as même réussi à faire rire. Ou elle a pleuré, voilà. Mais je ne sais pas. Est-ce que, parce que je sais que tu dois pas tarder, il est déjà 25, j'ai juste posé une deux dernières questions rapides, promis. Est-ce que l'animation n'a pas aussi un déficit finalement, de journalistes spécialisés, comme on dit? C'est-à-dire qu'il y a des journalistes spécialisés en cinéma traditionnel, comme on dit, mais finalement, alors, je vais pas reparler de Bulle de Rêve, mais Bulle de Rêve, comme on disait, la seule émission quasiment qui s'occupe que d'animation, il y en a assez peu. Finalement, de journalistes spécialisés sur d'autres chaînes. On a Laurent Vallière, on en parlait de France Inter, mais qui fait ça de manière très légère. Olivier Cotte, il écrit quasiment plus parce que il existe pardon, excuse-moi Olivier. il écrit plus parce que c'est le technicien du film qui n'existe plus. On a un vrai problème aussi de gens qui écrivent, réellement spécialistes. Je ne parle pas de journalistes qui se disent « Tiens, je vais écrire sur le Pixar ou sur Port du Noir ». Oui, je pense que le souci n'est pas le... Enfin, le journaliste est obligé d'être polyvalent aussi. Vu qu'il n'a pas la place de parler tout le temps d'animation, il est obligé il ne peut pas se spécialiser sur l'animation. Il y a aussi, c'est aussi un problème de place pour la culture. Là, j'ai fait un petit aperçu aujourd'hui rapide des festivals dont on avait parlé sur le mois, en fait, dans les quotidiens. Et ils ont parlé d'un festival, pour ne citer que Libération. Ils ont fait... un tout petit encadré sur Bobine Sociale Résistance, qui est un très bon festival, sur les trois dernières semaines. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai déficit de culture de manière générale. Ouais. Il n'empêche que c'est vrai qu'en Roudevitch, Michel Roudevitch, qui était un des journalistes, décidément, je veux tous les enterrer après moi, qui est un des journalistes du cinéma d'animation, quand Michel faisait dans Libé, il avait quand même, je pense qu'il avait un pouvoir un peu plus fort à chaque fois, dire bah, j'aimerais bien qu'on parle quand même d'Annecy, faire mon papier sur Annecy. Oui. Puis quand on envoyait Annecy quand même, en lui payant l'hôtel, en disant bon, on va quand même lui laisser un petit article. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, alors que l'animation... Michel s'est longtemps battu pour continuer à avoir un petit espace qu'il n'avait plus, en fait. C'est ça qui ne l'a plus. Parce que on lui dit, non, ça n'intéresse pas, ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Voilà. Bon, alors c'est vrai qu'on a aussi Gilles Simon qui écrit à Positif et qui me disait, parce que j'ai écrit un tout petit peu à Positif, et qui me disait que les pires chiffres étaient de toute façon de Positif, étaient quand il y avait un film d'animation en couverture. Donc est-ce qu'on ne se leurre pas aussi à un moment donné, finalement, d'être... d'être des Don Quichotte ? Non, parce qu'en même temps, quand on regarde le top 50 des films, il y a toujours un film d'animation sur les 5 meilleurs films vus dans l'année, quoi. Ouais. Donc, toujours, oui. Tous les ans, il y a un film d'animation qui fait partie des 5 meilleurs. Voire même plus, maintenant, tout à fait. Voire plus, mais... Donc non, je pensais. Il y a aussi des, j'allais dire des revues peut-être un peu moins connues du grand public. Moi, juste deux mots parce que je voudrais pas prendre sur ton temps. Je sais que tu pars très très vite, mais avant de m'occuper de la salle de cinéma, je suis avant tout permanent d'une association d'éducation populaire qui s'appelle l'UFEJ, l'Union française du film pour l'enfance et la jeunesse. Et nous avons à ce titre, on s'est beaucoup intéressé au cinéma d'animation depuis des années, et nous avons une revue qui s'appelle Zéro de conduite. Et dans Zéro de conduite, en effet, qui est bien sûr moins médiatisé, un peu moins que Libération et Le Monde, hein, y a souvent, en effet, des textes, des travaux, des interviews, donc de Driessen, de Takahata, on a fait ça sur, voilà, sur cette revue. Et on peut la voir comment, Zéro de conduite ? Eh bien, je vous donnerai l'adresse de l'UFEJ tout à l'heure, où vous pouvez écrire et vous abonner. Voilà. Juliette me regarde avec des gros yeux à dire « C'est marqué dans la lettre de l'AFCA, t'exagères, etc. » Non, c'était juste pour dire aussi qu'il y a la lettre de l'AFCA, pardon. Bien sûr, mais là, on... C'est vrai, il y a c'est la lettre de l'AFCA. C'est le très spécialisé. Mais... Bon, on va en parler après, la lettre de l'AFCA. Hein, mais ça, c'est... Il y a pas mal de bibliothèques qui sont abonnées à la lettre, donc on peut aussi la consulter dans certaines bibliothèques. Comme quoi, vous voyez, Juliette, on lui en dit pas quand même. Hein, c'est, un dernier mot, parce que je sais qu'il faut te laisser partir, Géraldine. Est-ce que tu aurais un dernier mot ? Est-ce que tu as un coup de cœur sur... Je sais que c'est une question que tu t'attends pas forcément. Est-ce que par hasard... Non, tu n'es pas obligé. Est-ce que tu aurais eu un coup de cœur sur les invités que tu as eus au cours des années ? Tiens, on ne va pas parler forcément ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué dans l'animation ? Un réalisateur que tu as pu rencontrer, que tu as pu croiser ? C'est dur, hein ? Oui, parce que... C'est ta question piège avant de partir. Ben, il y en a plein, en fait. Mais je pense surtout à des gens qui sont dans le court-métrage, que moi, je trouve fabuleux et qui sont pas forcément connus du grand public ou... Mais qui sont... c'est juste des rencontres comme ça. C'était pas forcément sur la fête ou... Il y avait plein de programmes sur Paris que je trouvais très intéressants parce que justement ça voulait montrer un petit peu autre chose. Alors j'ai oublié le nom, mais au Forum des Images, pas au Forum des Images, mais au Centre d'animation des Halles, Barry Perns. Voilà, il y avait des choses comme ça qu'on pouvait découvrir pendant la fête. En fait, ma question piège était un petit peu est-ce que ça aide quand même qu'un attaché de presse d'aimer ce qu'on doit défendre ? Je suppose qu'on... c'est au contraire, ça peut être... Alors, bien sûr, ça m'a permis de découvrir mieux, mais si je me suis retrouvée là, c'est au départ parce que j'aimais ça aussi. Donc, ça m'a permis d'après de découvrir d'autres choses, mais j'étais déjà... je ne serais pas arrivée là, je pense, si je n'avais pas aimé ça. D'accord. Donc... Ben merci beaucoup. Comme le court-métrage. on va te laisser partir. On va faire une petite pause musicale de nouveau. On va écouter Billie Holiday, Let's Call the Whole Thing Off. Merci, Géraldine. You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. We'll be right back. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And no, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and counsel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off all. Let's call the whole thing off. J'ai essayé, vous savez pas tout ce qui se passe, j'ai essayé d'engager une petite fille pour dire que c'était Bulle de rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire, mais je sais pas pourquoi elle veut pas. Pourtant, elle a quel âge ? 5 mois. 5 mois, ça parle à 5 mois. Elle est un peu en retard, hein. C'est incroyable ce genre de choses. Donc, merci beaucoup, en tout cas, c'était Billie Holiday. Let's call the whole thing off. Nous parlions juste un petit peu avant donc de la presse hein, par rapport à l'animation, à la fête du cinéma d'animation. Et alors, donc Géraldine a dû partir, mais c'est pas une raison. On ne peut pas parler forcément de la presse. Et donc on va parler de la télé. Non, c'est vrai, la télé a bien réagi, mais c'est quoi, Juliette? Parce que c'est aujourd'hui il y a beaucoup de, pas de télé libre. On va peut-être pas employer ce mot-là pour des télés, mais en tout cas il y a de nombreuses télés, TNT, etc., etc. Donc il y a eu plus de réactions. Oui, on a eu plus de réactions. Les télés régionales aussi, toujours en région. Michel Oslo a été interviewé sur France 2, quand même. D'accord. France 2 voilà, vers... je sais plus. Pas dans le journal, donc, quand même. Non. Ah. en journée. Ah oui, non, j'ai eu peur. Je pensais qu'ils avaient fait un effort et qu'en journal sur France 2. Il a fait des plateaux France 3 en région. D'accord. On a été ensemble interviewés sur Cap 24, l'émission... Enfin, la radio... Non, la télévision, pardon, d'Île-de-France, il me semble. Voilà, et puis on a eu quand même une télévision, enfin Shorts TV, qui a fait un programme spécial de court-métrage pour la fête du cinéma d'animation. Mais c'est fou ce que tu dis quand même, parce que ça fait deux fois on a parlé sur la presse. On va en parler évidemment tout à l'heure aussi, là par rapport à Gonesse, mais on peut en parler déjà par rapport aux régions. On a l'impression que, je sais pas, Paris ne bouge pas parce que c'est tellement. Est-ce que les grandes villes, au moins Marseille, Lyon, Bordeaux, ça bouge ou c'est pareil? C'est-à-dire que c'est vraiment les. Parce que j'ai pas l'impression de voir ces grandes villes-là. Non. Paris, on a. Faut être honnête, bon, pour Radio Libertaire, là, on est à Paris, mais il y avait pas grand-chose quand même cette année à Paris. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est paradoxalement, pour une fois, c'est pas Paris la ville phare dans cette fête, c'est la fête en région. Et même les grandes villes, hein. Lyon, il n'y a pas grand-chose, Marseille, c'est quoi ça veut dire? Bah, tu peux répondre, ça veut dire que les petites villes sont plus demandeuses, enfin, de genre de choses. Il y a ça, il y a l'importance des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a en Île-de-France des réseaux de salles de cinéma, que ce soit Cinéma 93 pour la Seine-Saint-Denis, après il y a Ciné-Son, Cinéma Public dans le 94, et nous, sur le 95, il y a Écran VO, dont s'occupe Yves Bouvray, et c'est une association qui fédère les salles de cinéma, pas que d'ailleurs sur la fête du cinéma d'animation, mais c'est vrai que c'est une association qui s'intéresse beaucoup aussi sur le cinéma d'animation. Tu parleras peut-être, puisque tu t'es occupé longtemps aussi d'Image par Image, le festival. Exactement. Et donc je crois que c'est l'importance des réseaux et de l'ensemble des salles, en effet, qui se mobilisent là-dessus. Je crois que ça joue beaucoup, ça. Ouais. Ouais. Oui. Ce qui a en fait développé la fête ces deux dernières années, c'est la mise en place de coordination en région, c'est-à-dire des associations qui se portent volontaires pour se faire le relais de l'AFCA dans leur région. Alors après, ça dépend des régions, parce qu'il y a des régions qui sont, enfin, c'est grand, hein, une région. Donc parfois il y a un ou plusieurs coordinateurs qui sont plus ou moins actifs, d'accord. Et qui font après un travail de travail en réseau avec les réseaux de salles qui existent déjà, réseaux de structures culturelles. Voilà, alors par exemple en Bretagne et justement, en Pays de la Loire. Est-ce qu'il y a des régions qui sont parce que l'Alsace, ça fait un bout de temps, non? En plus, il y a. Alors en Alsace, c'est un peu particulier. Il y a deux coordinateurs, d'accord. Un qui s'occupe de l'aspect pédagogique avec des ateliers, et un autre qui travaille plus sur la programmation. Mais je veux dire, ça fait longtemps en Alsace, puisqu'il y a notamment notre ami qui était là pendant longtemps, qui va m'en vouloir de pas, qui fait son festival. Ça y est, j'ai un peu honte, pardon. Qui est créé aussi dans l'aide de l'AFCA. Bah voyons, Juliette. Bon, bah, alors, je vais le retrouver. Je suis absolument désolé parce que c'est quelqu'un de très important qui avait fait toute la partie dans l'AFCA, dans la lettre de l'AFCA sur le long métrage. Serge Cormon. C'est Serge, voilà, tout Serge. À fait. Merci, Serge, qui quand même vient d'Alsace et qui s'occupe depuis longtemps, en fait, on va dire. Est-ce, donc, il y a des nouvelles régions. Nantes, j'ai rencontré lors d'un festival, lors de l'expo. L'exposition. Grimaud, Takahata, Miyazaki, Monde des Merveilles. J'ai rencontré quelqu'un, une personne qui s'occupait, c'est ça. Voilà, c'est Sophie Bito qui est responsable de l'association Animage, qui est une association en fait qui propose des ateliers d'initiation au cinéma d'animation et un travail aussi sur les logiciels libres pour créer des films d'animation. Et en fait, c'est vrai que cette année, Animage était coordinateur de la région Pays de la Loire. Et c'est devenu une région très, très dynamique au niveau de la fête parce qu'elle a su en fait créer une synergie avec les différents réseaux de salles de cinéma et lieux culturels là-bas. Elle a proposé des programmes qui ont circulé dans la région et ils avaient un invité d'honneur qui était José Miguel Ribeiro, donc réalisateur portugais. Avec un programme spécial. Ouais, et voilà, ils ont fait une petite brochure de la région. C'est-à-dire que l'AFCA. Ils ont aussi reçu Michel Oslo. Pardon, voilà. C'est-à-dire que l'AFCA a absolument besoin. En fait, la fête mondiale maintenant, comme on dit, du cinéma d'animation a besoin de ces réseaux. C'est-à-dire qu'ils servent pendant la fête. Est-ce qu'ils peuvent servir hors des moments de la fête? C'est-à-dire que, est-ce que ces réseaux, justement, par rapport à la distribution du cinéma d'animation, Alain, tu peux peut-être nous en dire, est-ce que ça sert de se passer même des programmes en disant, ah ben tiens, moi j'ai passé ça, c'est vachement bien avec tel réalisateur, il est super bien pour parler de ses films, de le passer en Bretagne, en Alpes-Maritimes, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, il y a ces réseaux, il y a les réseaux départementaux, puis après, il y a des réseaux, j'allais dire, régionaux, bon, par exemple, comme la CRIF, voilà, l'Association des cinémas de recherche d'Île-de-France. Donc, on peut, enfin, il y en a d'autres, hein, je voudrais pas. Mais sont tout aussi actifs, mais il y a un moment donné où on peut en effet échanger, on se parle, on se voit souvent, et puis l'intérêt en effet, c'est qu'on puisse dépasser toutes ces manifestations, c'est-à-dire qu'en effet, on a la chance avec l'AFCA ou avec Image par Image, je parle pour Gonesse, de se dire, bon, on a Michel Oslo, mais on ne va pas s'en tenir là, c'est-à-dire qu'il vient, on en parlera peut-être, mais c'est des rencontres vraiment. Dans la deuxième heure, d'accord. On va parler plus de la fête de cette année, de ce qu'on pouvait voir, de ce qu'on pourra voir. Et donc de proposer, de dire, nous on a dit, mais nous on voudrait faire un travail sur le cinéma expérimental avec l'association Braquage, de faire des choses comme ça. Donc de s'emparer comme ça de dispositifs ou de ce que fait Écran VO avec Image par Image, le festival, pour en effet proposer des choses. Et ce sont des échanges en effet, oui. Et donc ça veut dire que dans le courant de l'année, à Gonesse, il y a de l'animation un peu tout le temps. C'est-à-dire que, est-ce que ça passe par là aussi, finalement, de passer pendant toute l'année des programmes peut-être un petit peu plus, pas difficiles, parce qu'on ne peut pas les considérer comme difficiles, mais différents, on va dire, de ce qu'on a l'habitude de voir, et de mettre aussi bien, de présenter Wall-E avec des programmes de, je ne sais pas, Jérôme Boulbès, Franck Dion, Jean Meyer, enfin les gens que je connais. Franck Meyer à 20h30 à Gonesse, je ne pense pas que je fasse beaucoup d'entrées. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a un truc aussi important sur ce dont vous parliez tout à l'heure, et sur le cinéma jeune public qui devrait s'adresser aux adultes, c'est que si on regarde tous les programmes des salles de cinéma, les films d'animation, quels qu'ils soient, je ne parle pas en effet de Satrapite, sont sur des horaires qui sont des horaires du temps de l'enfant, c'est-à-dire 14h le mercredi, 14h le samedi. Or, ce qu'on essaye de faire de temps en temps, nous, à Gonesse, et je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est d'essayer de mettre des films d'animation aussi le mardi soir, par exemple, à 20h30, pour dire, voilà, on le met là, c'est pas une erreur de programmation, c'est peut-être pour que papa, maman, comme il n'y a pas école le lendemain, emmènent leurs enfants. Je dois dire que ça ne marche pas du feu de Dieu. Mais il y a du monde, oui. Non, ça ne marche pas du feu de Dieu. Ce qui marche, c'est quand il y a des animations, c'est-à-dire quand il y a des rencontres, grâce à ces gens-là qui sont qui aident, oui, c'est qui ça. Aident énormément. Qui aide, ouais. Et donc, ou nous, quand on contacte quelqu'un. Donc ça, il y a vraiment, lorsqu'il y a des mobilisations, ça, oui. Là aussi, Juliette. Ouais, pour revenir sur les programmations pendant la fête, c'est vrai que là, les programmations qui ont été faites cette année, l'objectif, c'est qu'on puisse peut-être les reproposer à d'autres lieux, en fait. Parce que j'ai déjà eu des demandes de médiathèques ou de cinéma qui m'ont déjà demandé, oui, j'aimerais faire une programmation sur le thème, je sais pas, de la gourmandise, par exemple. Et je sais que pendant la fête, il y en a qui ont fait des programmations comme ça. Donc, mon rôle, là, ça va être de les mettre en relation, d'avoir la liste des films et peut-être de leur proposer d'échanger, de les mettre en contact pour savoir comment ils ont monté leur programmation et peut-être les aider à voir les films après. voilà, le rôle de... C'est vrai que là, si on peut dépasser cette fête pour ensuite faire circuler les programmes, c'est aussi l'objectif. Ouais, c'est ça qui est important de pouvoir. Est-ce que quand même, on parlait tout à l'heure du déficit des journalistes. Géraldine disait, je suis pas sûr que ça soit moi. Je pense quand même qu'en effet, s'il y avait plus de journalistes spécialisés en animation, même si j'aime pas ça dans l'idée, puisque je pense que le cinéma animation, c'est du cinéma point barre, et puis il y a pas forcément, mais quand même, on va dire en tout cas spécialisé, passionné par un cinéma un peu différent, le cinéma image par image. Est-ce qu'on a pas aussi un déficit de spécialistes, de livres, de choses qui expliquent, c'est-à-dire des spécialistes qui vont dans les salles, et parce que des fois les réalisateurs ont un petit peu de mal à parler. Alors il y en a des très bons, on va parler en deuxième ordre de slow, et on va parler des gens qui, alors eux, y arrivent bien, mais moi je me rappelle de Jean-François Léguigny qui, même s'il parle bien, aussi un peu plus discret, c'est un peu plus, ou Jérôme Boulbès qui parle très bien des programmes des autres, mais qui a beaucoup de mal de parler finalement de ses films à lui. Est-ce qu'on n'a pas ça? Est-ce qu'on n'a pas, encore une fois, si on regarde les livres qui sortent tous les mois, que j'ai tous les mois, c'est tous les ans, faut regarder, il y a combien de livres en français qui sortent sur le cinéma d'animation? Il y en a... C'est une colle, là. Il doit y en avoir quoi? Non, mais 5, l'AFCA, je suppose que vous les recevez, non? Non, il vous envoie là, pas... Là, il y en a un très bon qui vient de sortir sur Emile Cole. Oui, voilà, mais parce que voilà. C'est Emile Cole, parce qu'il y a eu une grande rétrospective aussi à la Cinémathèque. Voilà, ouais. Il y a eu le très beau bouquin de la Cinémathèque aussi qui avait été fait... avec le du praxinoscope, enfin avec du praxinoscope au cellulo, etc. Il y a des choses, mais c'est vrai quand même que je sais pas des spécialistes qui non parce que les spécialistes en même de films d'horreur, de films de genre, il y en a comme il y en a beaucoup, ils se battent pour essayer de faire des soirées, des choses comme ça. Là, j'ai l'impression quand même. Alors, il y a peut-être moi, je connais pas bien, mais il y a peut-être aussi des magazines, je dirais l'équivalent de Mad pour pas de Mad, pardon de Mad, ouais. Oui, de Mad Movies pour le cinéma d'horreur. Il y a sûrement, je pense, des magazines. Je ne les connais pas. Mais non, je ne les connais pas. Non, enfin moi, j'ai un coup de téléphone dans les 3 minutes qui viennent. Non, parce que moi, je veux dire qu'une seule chose, c'est que Storyboard, dans lequel j'ai travaillé, qui m'en a parlé d'animation, et le seul qui parle aujourd'hui de cinéma d'animation, mais qui malheureusement a changé sa politique, Animeland. Qui parlait beaucoup, qui parlait avant tout de cinéma d'animation japonais, qui, pendant l'ère, Yvan West-Laurence, qui était son rédacteur en chef, pendant un moment, a réussi à parler d'anime, on va dire, hors Japon, et qui, là, il redevient de nouveau uniquement de l'anime japonaise, et en plus, alors ça, c'est quelque chose de complètement personnel, pas la meilleure en plus, hein, c'est vraiment les séries télé, des fois, et pas les meilleures séries télé, même s'il y a des choses. Et donc, on est revenu à un degré quasiment zéro dans... Oui, il y a Internet. Il y a Internet. Il y a énormément. Alors, je parle aussi sur les critiques maintenant, tout ce qui est magazine de critiques, c'est indispensable de rester sur du papier. Mais c'est vrai que si on fouille un petit peu, il y a pas mal de sites qui sont parfaitement pertinents sur tout ce qu'il analyse de films. Et je pense qu'il y a des. Enfin, je cite. Moi, je sais de temps en temps, je vais sur ISA, H2ZA, où il y a des petits jouets d'animation comme ça qui peuvent servir d'appui sur les. Il y a deux sites où, en effet, de vente, notamment, qui sont ISA et Chalet voilà, Films, qui maintenant vendent... Bah oui, il y a plein de sites Internet. C'est difficile. Oui. On peut parler. Là, oui, il y a Foodanime qui s'en occupe bien, ou Jérémy Clapin en parlera en deuxième, parce qu'on va savoir comment c'est passé. Il y a une soirée spéciale. On va savoir comment c'est passé. Mais Jérémy est sur Foodanime qui permet à plein de gens, aussi bien techniques, etc. Il y a plein de bons, très grands réalisateurs d'animation française qui sont sur des pseudos, mais qui aiment bien. Là, on est sur plutôt l'aspect forum. C'est vrai que... Oui, mais il y a une partie news aussi. Et puis finalement, est-ce que ce n'est pas le réseau aussi? Finalement, Internet, aujourd'hui, le réseau te permet de dire « Ah, bah, attention !» Parce que comme ce n'est pas annoncé, c'est quand même terrible que Libération, Le Monde, qui sont soi-disant deux quotidiens importants culturels, n'annoncent pas quand même une fête qui est une fête de cinéma. Enfin, j'ai du mal à... Mais c'est vrai que nous, pendant la fête du cinéma d'animation cette année, on a été... bien relayé sur Internet, mais c'était, comme disait Géraldine tout à l'heure, aussi parfois beaucoup des effets d'annonce quand même sur Internet. À part les quelques forums et sites spécialisés, c'était des reprises du communiqué de presse très généraliste. C'est la fête du cinéma d'animation du 15 au 28. Michel Oslo est l'invité d'honneur. Voilà, en gros les un copier-coller avec un lien vers le site de l'AFCA. Oui. Ce qui est toujours bien, mais ce qui n'est pas suffisant. Parce que ça permet de relayer, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de fond d'analyse critique. Donc je reviens vraiment à ce que je disais, quand même, ce déficit, mine de rien. Juliette, toi, tu sais, c'est toi qui demandes quand on demande des spécialistes. Encore une fois, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que finalement, ce n'est pas un problème? En cinéma, en effet, de genre, d'un seul coup, je suis persuadé que des gens pourraient dire, ah ben ah oui, il y a un tel, il suffit de prendre Mad Movies, l'écran fantastique, des bouquins qui sont sortis. Est-ce que ça, c'est pas aussi par rapport à la crédibilité? On a besoin de ça aussi, que ce soit d'avoir des gens qui viennent expliquer l'histoire du cinéma d'animation, la technique, ce genre de choses. Oui, il y a eu des gens. Pascal Vimenet, à un moment donné, s'est beaucoup intéressé là-dessus. On parlait de Smank Meyer tout à l'heure. Oui, il y a pas mal d'intervenants comme ça qui. Enfin, pas mal, non. Il y a quelques intervenants. Jean-Pierre Pagliano. Oui, oui. Mais finalement, c'est Yaelan Nguyen qui fait notamment du Japon, mais qui vit au Japon, qui vient, Jean-Christophe Perrier avec qui il travaille, etc. Enfin, je veux dire, en plus, moi, je sais que j'en fais quelques-uns aussi, donc on est quelques-uns, mais moi, ça m'embête. Hein. Je veux dire, je préférerais qu'il y ait 150 personnes qui soient spécialistes et experts du cinéma d'animation et qui en parlent tout le temps. Et je pense que s'il y avait une force un peu plus importante, on en parlerait, il y aurait moins de difficultés, je pense, non ? Peut-être. Bon, revenons à ça. Est-ce que les gens se demandent comment le public réagit quand tu parlais à l'intérieur de séances à 8h30, etc. Comment la réaction d'un public par rapport à des séances d'animation, bon, on a compris, c'est que ça reste encore avant tout pour les enfants, c'est difficilement, on passe difficilement. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui demandent autre chose? Qui demandent autre chose, c'est-à-dire qui. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais j'ai entendu parler du festival d'Annecy, ou j'ai entendu parler d'un festival. Est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres programmations? Est-ce qu'il y a une demande sur l'animation ou pas du tout? Non, c'est très rare. Non. C'est très rare. Il y a un petit noyau, enfin, qui peuvent dire, oui, j'ai regardé à la télé sur Arte à 0h05, ils ont parlé pendant 3 secondes de tel festival, est-ce que vous allez passer ça? Non, je pense que c'est aussi un point commun à beaucoup de salles, c'est le travail de proximité, le travail qu'on fait avec les associations. Nous, sur la salle, il y a Elsa Matoc, qui est un relais important, puisqu'elle est responsable du jeune public. Donc, il y a en effet des idées, puis après, il faut aller, à un moment donné, chercher le public. C'est vrai que si on met un film d'animation, même un film d'animation connu, assez honorable, je veux dire, je sais pas, du genre, même des films de Don Bluth, comme ça, sans aucun travail, il n'y aura pas grand monde, même sur des films très identifiés. Et là où il y a du monde, c'est sûr, en effet, quand on travaille sur des relais comme l'AFCA, ou je le disais, écran VO, des festivals, ou sans eux, d'ailleurs, oui, parce qu'on peut travailler sans eux, parfois, je tiens à le dire, ça nous fait mal, mais ça arrive. C'est donc, c'est en effet de se dire, tiens, on a cette idée, il y aura un animateur, il y a des masterclass, il y aura ça, il y a telle chose, on travaille avec les écoles, voilà. Mais spontanément, non, on ne se bouscule pas aux portes de la salle pour nous taper sur les vitres en demandant nous voulons des dessins animés. Donc ça veut dire que l'éducation, est-ce que ça passe par de l'éducation aujourd'hui finalement de jeunes enfants qui vont voir peut-être un peu plus d'animation autre que dessins animés purs, on va dire, et qui vont, on espère, dans 10-15 ans proposer à leurs enfants autre chose que du Disney, même si j'aime bien Disney, encore une fois, on n'est pas là pour... Mais est-ce que ça peut passer aussi par là? Je ne sais pas, Alain, Juliette... Et que le grand dieu de l'animation t'entende. Juliette, je veux dire. Oui, enfin. Je crois qu'il y a déjà eu une évolution avec les. Bon, ma génération, par exemple. Ouais. Parce qu'on a été un peu nourris par. Ta génération, t'as quel âge? Oui, 25 ans. Voilà, non, pour le dire. Non, on a la radio, un peu, on voit pas. Un peu nourri par tout ce qu'on a pu voir à la télévision quand on était plus jeune. Bon, un peu la japanime, comme on dit. Ouais. Voilà, et c'est vrai que maintenant, on est en demande un petit peu de voir autre chose en salle que des Disney. Donc, j'espère que le travail qui est mené actuellement dans les salles de cinéma, pareil, c'est tout ce travail d'éducation à l'image, amènera les enfants qui actuellement sont jeunes et voient du cinéma en salle accompagné, et pas que seulement des films, et pas seulement des films Disney, plus tard auront envie de voir autre chose. Ouais, c'est ça, bon, on proposait, c'est-à-dire que les enfants qui ont été nourris à Kirikou, peut-être même au Triplet de Belleville, s'ils n'ont pas tout compris, ou en tout cas s'ils n'ont pas, pourront vouloir ensuite que leurs enfants soient... faut espérer. Tu viens de dire un terme qui m'intéresse. Non, mais au contraire, j'ai demandé à Alain, l'éducation à l'image. Il y en a beaucoup. Non, alors si on parle d'éducation à l'image, là c'est un mot, c'est un mot à l'UFESH qui nous fait un peu, c'est pour ça, un peu sursauter. mais comme je connais Juliette, je sais très bien ce qu'elle voulait dire. Non, on parle plus nous d'éducation au regard. Il y a un moment donné où l'éducation à l'image, c'est une sorte de maelstrom de quelle image, enfin où on peut parler aux images en même temps. Mais bon, je plaisante, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça. il n'y a pas que le cinéma maintenant sur l'éducation. Donc éduquer au regard, ça peut passer par toutes les formes. On peut très bien travailler à un moment donné. C'est une question qu'on se pose à l'UFEJ en ce moment sur le jeu vidéo, sur l'animation du jeu vidéo. C'est aussi de l'animation. Mmh. Et de voir pourquoi cette animation n'aurait pas sa place dans la salle de cinéma. Je veux dire, donc c'est vrai qu'il faut, on est tous en train de réfléchir un petit peu là-dessus sur cette évolution de l'éducation aux images ou au regard et qui ne touche pas en effet que l'animation. Et Juliette a raison cinéma, quand elle dit que des enfants qui vont voir des dessins animés peut-être ont ce goût de la transmission. Bon, moi c'est peut-être mon côté, je suis plus vieux donc un peu plus pessimiste là-dessus. Mais en même temps, on peut se dire que oui, peut-être qu'une fois dans sa vie, même si c'est qu'une fois, un enfant aura fait une rencontre avec Michel Oslo et aura vu Azur Asmar qu'il n'aurait peut-être jamais vu ailleurs. Peut-être qu'on peut se dire après ça suffit. Enfin, je caricature. Voilà. Oui. Justement, est-ce qu'on manque pas trop, on le sait aujourd'hui, avec notamment tout ce qui se passe dans l'éducation nationale et le fait que j'ai entendu ça bientôt, ça sera quasiment une heure par trimestre seulement pour les beaux-arts où il y aura à peine une petite visite peut-être dans un musée de temps à autre, mais qu'on va plus ou moins supprimer ça. Donc un gros problème au niveau de l'école pure, au niveau de cette éducation, pas de l'image, du regard, en tout cas quelque chose. Est-ce qu'on ne demande pas trop aux associations, finalement, de récupérer un peu tout ça? Et est-ce que les associations, alors là on passe dans un autre débat, mais qui est intéressant, ont suffisamment d'argent, de temps et de personnes pour s'en occuper? Je me doute un peu de la réponse, c'est une question ouverte. Moi, je commence, et Juliette, tu pourras parler des problèmes sur les associations. Oui, déjà, quand j'entends parler de Beaux-Arts, moi, ça me fait penser à Arnaud Brecker, donc ça me fait un petit peu peur là-dessus. Donc c'est vrai que le ministère des Beaux-Arts, on sait ce que ça peut donner. Donc revenons et parlons de culture là-dessus. Oui, bien sûr, mais attention, je me dis, il ne faut pas non plus que la demande d'argent cache notre envie de faire des projets. Alors évidemment, les choix du gouvernement qui sont... j'adore cette phrase, qui sont ce qu'ils sont. Alors aujourd'hui, en effet, n'encourage pas la vie associative et pose des gros problèmes. Il y a en ce moment des grands mouvements là-dessus. Pose des gros problèmes car les crédits ne permettent pas déjà d'embaucher, de monter des projets. Il faut pas non plus. Il faut se souvenir que par exemple, les emplois jeunes à un moment donné ou les emplois aidés étaient très précieux pour les associations quand les associations ne les considéraient pas comme de la main d'œuvre comme ça petit peu, mais allaient pérenniser les emplois. Et ça jouait beaucoup. Il faut des gens de terrain. Mais il faut aussi que nous ayons des projets. Je crois qu'il faut revendiquer ce désir d'avancer, ce désir de proposer. Pour pouvoir ensuite, demander de l'argent, enfin que l'argent serve réellement exactement. Un vrai propos et quelque chose. Alors, à l'AFCA, il y a normalement un propos qui est la défense du cinéma d'animation. Je sais qu'à une époque, Olivier était venu nous en parler, que c'était difficile. Au niveau des subventions qu'il y avait eu, vous aviez signé une pétition, quelque chose, enfin un petit texte qui avait été écrit dans les cahiers du cinéma à l'époque. T'étais pas encore, t'inquiète pas Juliette, c'est pas une colle que je te fais, Juliette qui fait des grands signes, qui fait l'air de dire mais c'est pas moi, non t'inquiète pas, non, mais Olivier nous parlait de ça et je sais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites puisqu'il y a Michael Bach donc, qui était la présidente, qui est partie, etc. Ça en est où aujourd'hui l'AFCA, au niveau argent, au niveau un petit peu vous en sortez? Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, enfin qui ont la petite carte. Oui, on a... on est deux au moins dans le studio, donc c'est bon. Bon Nicolas, il faudra que tu la prennes. Donc, Oui, c'est sûr, on va pas le cacher. L'AFCA, comme toutes les associations, traverse une période un peu difficile. Mais nous, comme disait Alain, nous avons des projets et toujours un désir d'avancer et de défendre le cinéma d'animation. Donc le fond est là, on est là pour le défendre. On continue nos actions avec un ensemble de bénévoles qui sont là qui nous aident. Un conseil d'administration très présent qui m'a fait avancer tout simplement les projets, notamment un projet de restructuration dans les années à venir pour peut-être mieux faire comprendre à quoi sert l'AFCA. Oui, qui est l'édito de voilà, qui est l'édito de Denis, président de l'AFCA. Parce que c'est la question qu'on nous pose souvent. L'AFCA sert souvent. Donc à, voilà, Il y a tout un petit texte, en effet, en disant par rapport à la diffusion et ce genre de choses. Oui, tu disais, mais on parlait, tu dis, il y a beaucoup de bénévoles. Oui, ça veut dire qu'en fait, le cinéma d'animation, un peu comme dans sa réalisation, et moi j'aime bien pour ça aussi, mais finalement, ça reste énormément de l'artisanat. Et c'est un peu, ben oui, il y a des gens à droite à gauche, on appelle, ah ouais, moi j'ai envie de faire quelque chose. On n'arrive pas tellement à se structurer dans quelque chose d'un peu plus fort et... Hein, pérenne, puisque c'est le terme à la mode que tout le monde emploie et qu'un petit peu, on n'arrive quand même pas tellement, je trouve, à faire quelque chose d'un peu plus solide, qui ne soit pas juste artisanal. Alain ? Oui, moi j'aime bien moi l'artisanat en même temps. J'aime bien quand le bâtiment va, tout va, quoi. Mais oui, j'aime bien le côté un peu artisanal. Ce que tu dis est assez juste, mais c'est pas tant péjoratif. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'entraide. Après tout, le compagnonnage, ça fait partie de ça. Et on est encore sur des histoires de moyens et d'envie. Mais le bricolage, moi je déteste pas ça. Le côté. Si je parlais bricolage, en effet, je parlais pas. C'est que j'avais l'impression que le bricolage des fois se faisait un peu entre dans le milieu à l'intérieur et que finalement, qu'il y avait assez peu d'ouverture sur ou d'ouverture par rapport aussi en disant allez, on va employer un terme horrible qui est dans notre société aujourd'hui, qui est lobbying. Je sais, c'est terrible. Oui, je sais. Non, je suis d'accord. Le lobbying. c'est vrai que souvent à ce micro, je fais partie un petit peu de manière toute faible de ce petit milieu. Et c'est vrai que quand je vois, je vais toujours tout dit sur l'antenne. J'étais la semaine dernière au CNC parce que je suis soi-disant spécialiste du cinéma animation, ce qui fait très plaisir pour les longs métrages, etc. Et il y avait des spécialistes, eux, du non-cinéma d'animation, visiblement, qui m'écoutaient à peine, qui avaient déjà jugé le film avant. Il faut savoir que pour une certaine aide du CNC, il y a un seul film d'animation, long métrage, qui l'a eu et qu'aucun ne l'a. Même Jacques-Rémy Gérard, je ne suis pas un fan, mais c'est quand même quelqu'un qui est maintenant, qui s'est imposé, La Prophétie des Grenouilles, Miel Migou, il fait son troisième, n'a pas eu cette avance sur recette. Alors c'est vrai qu'à chaque fois je dis sur CNC, je me dis un jour ils vont bien finir par me virer, tant pis, hein, ils me vireront, c'est pas grave, au moins je me serais battu pour des choses. Et c'est ça qui m'embête, c'est que le lobbying finalement, qui est, encore une fois, je m'en fous que c'est pas le terme qui est important, mais finalement ce côté peut-être un peu moins artisanal et le côté un peu plus rentre dedans pour dire... Là encore, tu dis, bah oui, on n'a pas d'argent, mais c'est pas grave, on peut se débrouiller. c'est pas le message que je voudrais transmettre. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est, je pense, commune à un ensemble d'associations culturelles, mais qu'aujourd'hui, nous, à l'intérieur de l'AFCA, on essaye de se restructurer justement et être un peu plus offensif pour aller chercher peut-être plus de subventions, faire plus de projets et avec une équipe motivée, dynamique derrière. Voilà. alors je sais que c'est pas, on va pas trop parler de la COP, on va parler de la fête, on va faire une pause musicale, mais ne t'inquiète pas, on va faire une pause musicale et je voudrais juste savoir, on peut en parler ou pas du festival. Je sais pas. si on peut en parler. Donc il y aura pas de festival cette année du festival. Non, parce que c'est ça aussi. J'en venais à là aussi. Oui. C'est peut-être un peu dommage que on a le festival d'Annecy, il y a plein de petits festivals. Et ce festival d'Auch était quand même un festival important pour le cinéma français, pour voir un peu tout ce qui se faisait tous les deux ans en cinéma français. Et là, donc, il n'aura pas lieu cette année. Il y avait des projets, mais qui ne seront pas faits. Disons que les projets sont toujours en cours et en négociation pour changer de région, voilà, déménager d'une région vers une autre. C'est vrai que là, en termes de temps, ça devient, je pense, difficile maintenant de l'organiser pour le printemps prochain. Peut-être que quelque chose... on organisera peut-être un événement pour symbolique pour l'année prochaine, mais ça sera peut-être reporté en 2010. Mais ça, pour l'instant, c'est toujours en projet. En projet. Bon, j'arrête d'embêter Juliette parce que là, elle me regarde et elle commence à se dire « Bon, ça commence à bien faire, toi, tu m'embêtes avec tes questions. » Donc, on va faire une piste musicale, j'allais dire, et en fait c'était une pause avec une piste musicale. On va écouter Billie Holiday, un autre style, mais encore une grande dame, Janis Joplin. On écoute Piece of My Heart.